Alors. Oui, vas-y, Philippe. Vas-y. C'est un mec marié qui va voir le spécialiste en urologie à l'hôpital. Ouais, docteur, voilà, j'ai un problème. Ça, c'est délicat à expliquer. Ah. Bon, le médecin essaye de le mettre à l'aise. Oui, bon, je vois à quoi vous faites allusion. Il s'agit d'un problème sexuel, sûrement. Bah oui, docteur, voilà, le problème, c'est que lorsque nous faisons l'amour avec ma femme, je jouis toujours trop vite. Alors, vous comprenez, c'est frustrant pour elle. Alors, le médecin... Non, on n'a pas compris, là. Le médecin lui dit... Oh, bah, attendez, c'est un problème avec lequel beaucoup d'hommes sont confrontés, doivent faire face, donc... Moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai trouvé une solution, une méthode infaillible que j'ai expérimentée avec succès. Je vous explique. Pardon ? Je vous explique. Ah bon. Bah, faut pas pleurer, mon fils. Oh, bah non. Je garde un pistolet chargé à... Un pistolet ? Oui. Sous mon oreiller. Sous l'oreiller ? Oui. Quand ma femme et moi faisons l'amour, oui. Au moment où je sens... L'orgasme est arrivé, paf, je prends le pistolet, bam, je tire un coup de feu. Ah ouais. Et c'est efficace. Oui, ça stimule les pulsions sexuelles. Comme ça, cette salope, elle joue en même temps que moi. C'est pas fini, non, non. Essayez la méthode et vous n'avez qu'à venir me revoir la semaine prochaine. Deux jours plus tard. Alors il y a le médecin qui circule dans les couloirs de l'hôpital et il croit reconnaître son patient de la veille, le gars de la veille sur une civière en route vers la salle de soins intensifs. Oh, bah, il dit mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez? Oh docteur, en sortant de votre consultation, j'ai acheté un pistolet comme vous m'avez dit. Oui, et alors? Bah, le soir, j'ai attendu qu'on soit en train de faire l'amour avec ma femme, et alors? Bah alors, lorsque j'étais sur le point d'envoyer la purée, comme vous me l'avez conseillé, j'ai pris l'arme, paf, j'ai tiré un grand coup. Et alors? Bah, comme ça je me suis retrouvé avec de la merde dans la gueule. Et la bite arrachée. On s'excuse. On va envoyer, oui, une page musicale. Oui, t'as raison, Marie.